Elle baisait mes mains sans changer de posture. Inconstante, Manon, repris-je encore. Fille ingrate et sans foi, où sont vos promesses et vos serments? Amante, mille fois volage et cruelle, qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui? Juste ciel, ajoutai-je, est-ce ainsi qu'une infidèle se rit de vous, après avoir attesté si saintement? C'est donc le parjure qui est récompensé. Le désespoir et l'abandon sont pour la constance et la fidélité. Ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que j'en laissai échapper malgré moi quelques larmes. Manon s'en aperçut au changement de ma voix. Elle rompit enfin le silence. « Il faut que tu sois bien coupable, » me dit-elle tristement, « puisque j'ai pu vous causer tant de douleurs et d'émotions. Mais que le ciel me punisse si j'ai cru l'être ou si j'ai eu la pensée de le devenir. » Ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne pus me défendre d'un vif mouvement de colère. « Horrible dissimulation !» m'écriai-je. « Je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide. C'est à présent que je connais ton misérable caractère. Adieu, lâche créature !» continuai-je en me levant. « J'aime mieux mourir mille fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. Que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard. Demeure avec ton nouvel amant. Aime-le, déteste-moi. Renonce à l'honneur, au bon sens. Je m'en ris. Tout m'est égal. » Elle fut si épouvantée de ce transport que, demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levé, elle me regardait en tremblant et sans oser respirer. Je fis encore quelques pas vers la porte en tournant la tête et tenant les yeux fixés sur elle. Mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charme. J'étais si éloigné d'avoir cette force barbare que, passant tout d'un coup à l'extrémité opposée, je retournais vers elle, ou plutôt, je m'y précipitais, sans réflexion. Je la pris entre mes bras. Je lui demandai pardon de mon emportement. Je confessai que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimé d'une fille comme elle. Je la fis asseoir et, m'étant mise à genoux à mon tour, je la conjurai de m'écouter en cet état. Là, tout ce qu'un amant soumis et passionné peut imaginer de plus respectueux et de plus tendre, je le renfermai en peu de mots dans mes excuses. Je lui demandai en grâce de prononcer qu'elle me pardonnait. Elle laissa tomber ses bras sur mon cou en disant que c'était elle-même qui avait besoin de ma bonté pour me faire oublier les chagrins qu'elle me causait et qu'elle commençait à craindre avec raison que je ne goûtasse point ce qu'elle avait à me dire pour se justifier. « Moi ? » interrompis-je aussitôt. « Ah ! Je ne vous donne point de justification. J'approuve tout ce que vous avez fait. Ce n'est point à moi d'exiger des raisons de votre conduite. Trop content, trop heureux, si ma chère Manon ne m'ôte point la tendresse de son cœur. »